journée me ravissait de tes cigarettes et de tu et de toi de te lécher les doigts. Je me tue à te